Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est la force des liens faibles dans la théorie du capital social? Comment cette théorie du capital social intervient-elle dans l'analyse des ressorts de la migration? S'interroge François Errand sur plusieurs cours dans le cadre de sa série « Pourquoi migrer ?». Comment les migrations peuvent-elles interagir avec la mobilité sociale? Agrégé de philosophie, longtemps démographe sociologue à l'INSEE et l'INED, François Errand, titulaire de la chaire Migration et Société, se partage désormais entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration. Dans le cadre de sa série Pourquoi migrer, il propose d'interroger les facteurs déterminants des migrations. Depuis le troisième cours, nous avons pris connaissance des recherches majeures du démographe américain Douglas Massey, qui a rassemblé les nombreux travaux sur les ressorts des migrations dans une approche interdisciplinaire. Si François Errand présente une lecture critique, au sens d'examen, des différentes théories de la migration, il s'attache surtout à rendre la complexité des phénomènes et le caractère vivant du processus migratoire, selon son mot. Dans les deux derniers cours, nous avons vu comment Douglas Massey a notamment mis en avant la notion à succès, mais notion complexe, de capital social dans ses travaux sur les migrations. François Errand poursuit sa lecture critique de cette notion. Après Pierre Bourdieu, Robert Putman et James Coleman, il nous présente les travaux importants de Marc Ranovetter. Sophie Ponthieu situe ainsi le chercheur dans son livre intitulé « Le capital social » et je la cite. « La construction qui transgresse le clivage économie-sociologie est formulée dans le cadre de la sociologie des réseaux et s'appuie sur les thèses des liens faibles et de l'encastrement développé par Marc Ranovetter. À la différence de la théorie de James Coleman, la transgression consiste à réintégrer du social dans l'explication des comportements économiques. Alors comment la famille et son mode de fonctionnement plus ou moins ouvert intervient-elle dans le capital humain et dans les ressorts de la migration? Quels enseignements peut-on tirer des études consacrées à l'exode rural dans le long 19e siècle? Comment Paul-André Rosenthal a-t-il profondément renouvelé quant à lui l'analyse de l'émigration rurale et comment ses travaux peuvent-ils nourrir l'approche des migrations internationales? Nous gagnons le Collège de France le 14 février 2019 pour le cours de François Errand « Pourquoi migrer ?» 10e opus. Au prix de quelques va-et-vient, redites digressions, nous poursuivons donc notre examen, notre progression dans l'examen des théories qui ont tenté d'expliquer les raisons de migrer ou d'éclairer le jeu de force qui pousse à migrer. Ce cheminement a sa logique. Il consiste à passer en revue sur un mode à la fois pédagogique et critique, c'est en tout cas ce que j'essaie de faire, les 6 théories de la migration dégagées par le comité international que présidait le sociologue et démographe américain Douglas Massey, liste que nous actualiserons bien sûr dans la dernière séance, avant d'avancer une conclusion plus personnelle. Alors, nous sommes longuement attardés sur la théorie du capital social mise en avant par Massey. Je vais encore en parler assez longuement, mais sous d'autres angles aujourd'hui. Et je vais tenter de montrer que cette théorie est tout à fait pertinente quand on la lie étroitement à la théorie suivante, la dernière de la liste, celle de la causalité cumulative ou de la causalité rétroactive, avec cette restriction importante qu'en réalité cette théorie explique moins l'origine des flux migratoires que leur entretien et même leur perpétuation. Ça explique évidemment la décision de migrer pour un individu donné, mais ça explique surtout le fait qu'à l'intérieur d'un groupe, eh bien, il y a en quelque sorte une décision collective, échelonnée, qui s'observe. Nous avons vu en effet que Massey mobilisait la théorie du capital social pour expliquer non pas la décision initiale de la migration, mais la poursuite du mouvement migratoire au sein de la famille ou de l'entourage familial. J'ai rappelé qu'il se réclamait expressément de la conceptualisation du capital social proposée par Bourdieu dans une brève note de janvier 1980, c'était la note qui ouvrait ce numéro d'acte de la recherche en sciences sociales, note que Bourdieu a développée ensuite en 1983 dans un article, cette fois beaucoup plus systématique, qui n'existe pas en version française, et qui détaille les diverses espèces de capital symbolique, culturel, économique, social, etc. Article traduit en anglais en 1986 et qui a connu un immense succès aux États-Unis, 40 000 citations, quelque chose comme ça. Le problème, et j'ai également souligné, est que les indicateurs concrets de capital social échafaudés par Massey sur son terrain mexicain, à partir d'une enquête par questionnaire, sont en décalage complet par rapport à la conception bourdieusienne du capital social. À regarder de près les variables de l'enquête au moyen desquelles Massey construit ses indicateurs, on comprend que le capital social du migrant mexicain est une réalité toute simple. Ce n'est rien d'autre que l'information livrée par les membres de la famille proche déjà installée aux États-Unis, que ce soit la famille nucléaire actuelle ou la famille nucléaire de naissance. Donc, rien à voir, ou très peu, avec le capital social à la Bourdieu, qui est d'abord un réseau fermé de relations, cultivé par des groupes de pairs au sein des classes dominantes, des groupes de pairs soucieux avant tout de se protéger du monde extérieur, appliqués à préserver leur rareté, à préserver leur distinction. Les exemples types cités par Bourdieu et ses disciples sont les associations d'anciens élèves de grandes écoles, les clubs sélects de la haute bourgeoisie, le réseau des familles aristocratiques, le réseau des familles de propriétaires terriens férus de généalogie et veillant évidemment jalousement à éviter toute mésalliance. Voilà les exemples favoris de Bourdieu. Et ce que montre l'Observatoire des migrations, le formidable Observatoire des migrations, mis sur pied par Massey et ses collègues mexicains qui se sont succédés, c'est évidemment tout autre chose. C'est simplement le constat qu'une part importante, très difficile à déterminer, hein, mais une part importante des familles migre non pas en bloc, mais de façon échelonnée, chaque nouvel immigré renvoyant aux membres de la famille restés sur place, des informations qui, nous dit Massey, allègent le coût de prospection et diminuent la prise de risque inhérente à toute migration en terre étrangère. Que cette migration échelonnée soit une composante majeure des stratégies migratoires, c'est tout à fait clair, mais appeler cela capital social, c'est à mon sens un cas flagrant de surthéorisation, comme on en trouve quand même souvent dans les sciences sociales. Il est sans doute de bonne guerre dans l'arène académique états-unienne de faire appel au prestige d'un outsider étranger, d'un intellectuel français, d'un French guru. Ça permet de contourner de l'extérieur la concurrence interne. On a vu plusieurs exemples. Mais enfin, sur le plan strictement scientifique, qui est le plan sur lequel je me place, la pertinence d'une telle théorisation me paraît très réduite. Par ailleurs, Massey, à ce stade du moins, se concentre sur la transmission d'informations, et on a vu que les économistes accordaient déjà eux-mêmes, y compris dans la théorie néoclassique, une très grande importance à l'information et au coût de l'information pour les migrants. Et ce faisant, il néglige, en tout cas à ce stade, il néglige le rôle des fonds qui sont envoyés par les migrants à leurs familles. Or, ces transferts ou ces remises, comme on dit, peuvent avoir évidemment un effet ambivalent. Soit encourager d'autres membres de la famille à migrer à leur tour, soit les fixer sur place, en leur permettant de surmonter des aléas économiques, en assurant notamment la survie de l'exploitation familiale ou de la petite entreprise familiale. Et là, c'est ce que Odette Stark avait souligné, c'était l'importance de la migration comme assurance, assurance contre les risques, les perturbations aléatoires qui mettent en péril l'entreprise familiale ou l'exploitation familiale, mais l'objectif restant de, justement de pouvoir la maintenir à travers la migration, donc un usage simplement instrumental de la migration. Alors savoir lequel de ces deux effets, encouragement à rester ou incitation à partir, l'emporte sur l'autre, ça ne va pas de soi, et ce sont les enquêtes finalement de terrain qui vont le déterminer. En tout état de cause, la transmission d'informations sur le pays de destination n'est pas l'unique apport possible des membres de la famille ayant déjà immigré. J'aurai l'occasion de vous parler d'un autre aspect de remise, c'est un thème assez à la mode, on appelle ça les remises sociales, social remittances, c'est l'idée que lorsqu'un migrant part à l'étranger, il acquiert un certain nombre de valeurs, d'informations, de normes, et ensuite il a tendance à renvoyer ces normes et ces valeurs au pays d'origine et à modifier ainsi le contexte de départ. On a des situations expérimentales tout à fait intéressantes. Quand les migrants égyptiens se répartissent entre des destinations du genre Arabie Saoudite, Golfe, etc., où règne évidemment un système de normes extrêmement drastique et traditionnel, mais une autre partie de la migration égyptienne va dans des pays occidentaux, et on constate effectivement que pour les familles d'origine restées au pays, eh bien, il y a un impact tout à fait certain de la retransmission en retour des valeurs selon que le pays de destination était un pays, par exemple, islamique ou un pays occidental libéral. Donc, tout ce que les migrants déjà installés sur place retransmettent, ce n'est pas simplement l'information sur les opportunités d'emploi et de logement. Et ce que Masset démontre, donc, il le démontre statistiquement par l'exploitation de son enquête, c'est que, toute chose égale par ailleurs, vous avez plus de chances de migrer quand un autre membre de votre famille a déjà frayé avant vous la voie de la migration. Bon, mais pourquoi qualifier de capital social le développement de ces filières familiales et amicales de la migration? Ce n'est finalement qu'une stratégie de pénétration progressive dans une terre étrangère et somme toute assez banale. Alors on gagnerait en revanche, me semble-t-il, à souligner d'une part le rôle des liens faibles dans le déclenchement des migrations, qui va bien au-delà de l'étalement des départs au sein de la famille, et de l'autre, le recours à des intermédiaires, y compris les passeurs, ou des liens institutionnels, y compris les ONG, deux voies d'information et d'incitation à migrer qui peuvent d'ailleurs converger. Et je vais commencer par les liens faibles. Marc Granovetter, au milieu des années 70, a écrit un grand article que j'ai moi-même beaucoup utilisé en son temps, qui s'appelle « La force des liens faibles »,« The strength of weak ties ». C'était un jeune chercheur prometteur qui a écrit un article tout à fait extraordinaire, car l'article dont je vous parle, c'est tout simplement, d'après les études qui ont été faites, l'article de sociologie le plus cité au monde depuis qu'il existe des relevés statistiques, des citations par Google Scholar. 52 000 citations à ce jour. Et pourquoi ce succès? Parce que l'article, évidemment, est très bien fait, mais aussi parce qu'il a un très beau titre, « La force des liens faibles ». Et il a été écrit à une époque où commence à se développer l'analyse des réseaux, qui aujourd'hui, évidemment, est devenue une spécialité à part entière. Mais elle était en plein essor à l'époque. Et en même temps qu'elle fournit un aliment à la théorie des réseaux, elle la considère avec un certain recul, elle replace l'analyse des réseaux dans une perspective sociologique, et c'est ça la force de l'article. Donc un jalon tout à fait essentiel. Alors 10 ans après, en 1983, donc Granovetter va publier un autre article très intéressant qui ne se contente pas de répéter la théorie de la force des liens faibles, dont je vous rappellerai la signification, mais qui corrobore la théorie en s'appuyant, et c'est vraiment très impressionnant, sur plusieurs dizaines d'enquêtes ou de monographies réalisées par des chercheurs un peu partout dans le monde, enfin surtout américains. Et ce nouvel essai de Granovetter insiste sur les divisions sociales de la sociabilité. Pour simplifier, les pauvres tendent à se replier sur les liens forts, sur les liens de proximité, tandis que les riches savent tirer le meilleur parti de multiples liens faibles, ce qui est, comme je vous l'avais dit, tout à fait conforme aux résultats de l'enquête Contact que j'avais conduite à l'INSEE dans les années 82-83. Alors, les liens faibles dont parle Granovetter sont particulièrement efficaces pour trouver un emploi. Granovetter avait mené au préalable, à la fin des années 60, début des années 70, une enquête sur la façon dont les cadres ou les techniciens dans la région de Boston trouvaient leur emploi. Il a publié ultérieurement un livre qui s'appelle « Getting a Job, trouver un emploi », qui repart de cette enquête. Et il avait observé que, en 80% des cas, les cadres qui avaient trouvé ces emplois les avaient trouvés non pas par le biais de relations amicales proches, mais par des simples connaissances ou des recommandations relativement lointaines. Donc, il en avait conclu que les liens susceptibles de vous apporter des informations nouvelles, ce ne sont pas les liens entre proches, qui se connaissent déjà, qui ne se connaissent que trop. Ce n'est pas davantage le noyau des confidents ou les meilleurs amis. Ce sont plutôt les amis d'amis, les relations de relations, les relations situées à la périphérie de votre réseau, les simples connaissances, comme on dit communément, acquaintances, dit-on en anglais. Alors, petite minute linguistique, comme je les aime, acquaintances, c'est le vieux mot français d'acquaintance, prononcé et transcrit par les Anglais, et ça vient du latin ad cognitare, qui lui-même vient du latin ad cognoscere. Il y a un incoatif, faire la connaissance d'eux, et un fréquentatif, une fois qu'on a régulièrement fait la connaissance de quelqu'un, ben ça y est, il est connu, et donc c'est ça les acquaintances. Donc tout ça, ce sont de bons vieux mots latins. Si vous avez d'un côté la notion de club select, de groupe aristocratique fermé, de d'autre, la notion que ce qui importe, c'est les relations avec la parenté proche, vous avez une vision biaisée des relations, parce que vous occultez le fait qu'il y a encore un troisième type de relation qui est extrêmement productif, qui sont les relations de relations. Et « The Strength of Weak Ties » a été vraiment un article séminal, comme on dit, fondateur. Et je m'en suis inspiré à l'époque où je travaillais sur une grande enquête de l'INSEE, une enquête comme on ne peut plus en faire aujourd'hui, parce que c'était du temps qu'on avait de l'argent, et ça a un peu évolué depuis. Mais à l'époque, j'étais responsable à l'INSEE, dans les années 80, de l'enquête contact entre les personnes. Et on avait le luxe extraordinaire de pouvoir interroger plusieurs milliers de personnes en leur faisant remplir un carnet qui, pendant une semaine, jour après jour, raconter l'emploi du temps, et en face de l'emploi du temps, vous disiez qui on avait rencontré, quel genre de personnes, commerçants, parents, amis, collègues, voisins, etc. Et puis, quel était en gros le sexe et l'âge de cette personne. Donc ça permettait de savoir, est-ce qu'on avait tendance à se parler entre hommes, à se parler entre femmes, à discuter entre gens de même génération ou pas, enfin répondre à des questions assez simples comme celle-là. Et il y avait aussi un questionnaire avant le carnet, un questionnaire après le carnet. Enfin bon, c'était l'enquête totale sur la sociabilité. Donc j'ai publié ça dans plusieurs articles sur la sociabilité. Ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que finalement, au fond, les liens de voisinage, de parenté, étaient extrêmement répétitifs. J'avais un indicateur, je n'avais pas des réseaux. Je ne savais pas quand on fréquente A et B, est-ce que A et B se fréquentent entre eux, ce qui serait le début d'une analyse de réseau. Je n'avais pas ça. Mais je savais à quelle fréquence revenaient au cours de la semaine les mêmes personnes. Et en gros, ce qui différencie les catégories sociales, ce n'est pas l'ampleur de la sociabilité, ce n'est pas le nombre de relations qu'on peut avoir au cours d'une semaine ou même sur des durées plus longues, puisque j'avais aussi des questionnaires qui portaient sur des durées plus longues. Non, ce qui différencie la structure de la sociabilité d'un groupe à l'autre, c'est qu'il soit très concentré, très répétitif, ou qu'au contraire, il soit très dispersé. Et c'est le propre des classes supérieures, finalement, d'avoir une série de petits investissements multiples, d'avoir des quantités de relations qu'on ne va pas fréquenter très assidûment, mais qui vont finalement jeter des pseudopodes dans des univers assez larges. Si vous prenez par exemple le monde associatif, et je m'étais concentré notamment sur le monde associatif, c'est extrêmement frappant. J'avais pu lister la totalité des liens associatifs pour chaque membre de la famille, y compris les enfants. Et en gros, ce qui apparaissait, c'est que dans les classes supérieures, vous adhérez à un très grand nombre d'associations, 7, 8, 9, 10, au-delà. Vous les fréquentez assez peu, chacune. Mais enfin, quand vous sommez la totalité du temps que vous passez dans toutes ces associations, ça finit par faire quand même un temps considérable. L'inverse, évidemment, je caricature, l'inverse, c'est la sociabilité populaire qui tend à se concentrer, lorsqu'elle adhère à une association, sur une ou deux associations, ou à laquelle on va se dévouer, dans laquelle on va passer beaucoup de temps, etc. Et donc, ça va être un investissement beaucoup plus concentré et pas les investissements éclatés, multiples des classes supérieures. Quand vous regardez l'ensemble de la sociabilité, vous voyez voisinage, parenté, association, collègues, etc., vous regardez la structure générale de la sociabilité, eh bien, ce qui caractérise les classes populaires, c'est d'être très centré sur la parenté et les proches, d'avoir un ou deux amis qu'on va revoir régulièrement, etc. Et à la limite, dans la paysannerie, par exemple, vos proches, vos parents, vos voisins, vos amis vont être les mêmes personnes. Il y a des indicateurs, d'ailleurs, pour mesurer la récurrence des mêmes personnes dans les différents domaines de la sociabilité. Alors que dans la grande ville, bah, vous pouvez vous permettre de ne pas fréquenter vos voisins. Dans les villages, vous êtes sous le regard, sous la vigilance des voisins. Aux États-Unis, vous avez le neighbor watch qui est absolument terrible. N'est-ce pas ? Si vous changez la couleur de votre poignée de porte, que c'est contraire au règlement de copropriété, dès le lendemain, un voisin vous le signale. Bon. Finalement, on avait une tendance à valoriser la sociabilité populaire en pensant qu'elle était chaleureuse, riche, dense, etc. Or, les indicateurs de densité de la sociabilité sont plutôt des indicateurs de sa pauvreté. C'est le renversement que j'avais obtenu avec ces enquêtes. Quand vous retrouvez toujours les mêmes relations, quand vous refréquentez toujours les mêmes personnes, dans l'analyse classique des réseaux, c'est dense. Ce sont des relations de proximité. Mais en réalité, en termes de productivité pour l'information, pour la maîtrise du monde social, la capacité à franchir les distances, à se retrouver chez soi, ailleurs, etc., eh bien, les réseaux denses sont faibles. Et donc, c'est vraiment le paradoxe de Granovetter, la force des liens faibles et la faiblesse des liens forts. D'un point de vue technique, dans l'analyse de Granovetter, dans l'analyse des réseaux qu'il pratique, les liens forts, ce sont des liaisons qui se recoupent. Si vous connaissez A et B et que A et B se connaissent entre eux, eh bien, il y a peu de chances que ce triangle dont vous faites déjà partie vous apporte du neuf. Mais si vous connaissez A, lequel connaît B que vous ne connaissez pas, qui connaît C, etc., eh bien, ces tierces personnes, ces relations au second degré, au énième degré, ont plus de chances de jeter une passerelle vers d'autres groupes, vers d'autres réseaux. Vous formez des petites cliques, des petits clans, familiaux, etc. Mais il y a quelques personnes qui établissent des passerelles entre différents groupements. Et ce qui est intéressant, ce sont ces gens-là, ces gens qui établissent des passerelles, qui sont à la limite de votre réseau et qui établissent un lien avec d'autres réseaux. Cela vous apporte des informations utiles, intéressantes. Et sur ce point précis, Granovetter a inspiré utilement Robert Putnam, que je vous ai déjà présenté. C'est l'homme de la croisade du capital social à développer aux États-Unis pour faire un peu plus de liens, la croisade en faveur de l'engagement civique. Putnam oppose deux types de relations, le bond et le bridge. Le bond en anglais, peut-être que la meilleure traduction, c'est le liant. C'est un lien qui vous lie à l'autre, qui vous colle à l'autre, qui vous oblige. C'est un lien de proximité dont on peut difficilement se débarrasser, et ce n'est pas par hasard que bonds en anglais désigne dans le langage financier les obligations. C'est toujours la même idée au sens juridique et financier. Alors vous pensez à James Bond, mais bond au Moyen-Âge, c'était le serf, l'esclave, le dépendant, donc notre bondissant James Bond a un nom d'esclave. Alors, si bond est un lien fort, le bridge, nous dit Putnam, c'est le pont, c'est la passerelle que l'on jette au loin pour créer une connexion inédite entre les groupes normalement éloignés. Et donc, c'est très exactement le lien faible de Granovetter. Alors ça, c'est tout l'art de Robert Putnam, qui est un personnage assez fascinant, hein, même s'il est critiquable peut-être à bien des points de vue, mais il sait étiqueter ses concepts avec une facilité extraordinaire. Et c'est ce qui lui explique les succès, la répétition qu'il a connue avec ses grands ouvrages, toute une série de succès. La polarisation bond-bridge, c'est une autre façon d'opposer lien fort et lien faible, relation intensive et relation extensive, mais aussi d'opposer une sociabilité fermée, délibérément exclusive, celle qu'envisageait Bourdieu, et une sociabilité ouverte, inclusive. Alors le problème, c'est que chaque relation, finalement, peut s'ouvrir ou se fermer selon l'usage qu'on en fait. Les relations familiales elles-mêmes peuvent vous enfermer dans des liens exclusifs ou vous ouvrir à d'autres relations. Une diaspora peut aussi vous enfermer ou au contraire multiplier vos liens. Et ça ne peut pas se décider vraiment a priori. Il faut des observations méthodiques pour pouvoir savoir dans quel sens finalement s'orientent les relations, si on va vers le bond ou le bridge. Et tout ceci n'est pas vraiment propre à la migration. On pourrait, dans bien d'autres domaines, évidemment, développer ce genre d'opposition et d'ambivalence. Finalement, Massé se concentre sur des liens forts, et un certain nombre d'auteurs insistent sur le fait qu'en réalité, un certain nombre de migrants aussi, et ça induit des inégalités entre les migrants, eh bien, il y a ceux qui ont accès à des ressources institutionnelles et qui se débrouillent très bien avec. Chaque association qui a la pratique sait qu'il y a des gens qui savent demander beaucoup plus que d'autres et qu'il ne faut pas non plus se laisser berner aisément. Il y a une vigilance à avoir. Il y a ceux qui n'osent pas demander, qui n'entrent pas en contact. Il y a tout l'éventail, tout l'arc des comportements de sociabilité qui peuvent différencier les personnes, y compris au sein du milieu migratoire. Alors, je voudrais insister aussi sur le fait que ce que Douglas Massé a mis en évidence, le rôle des filières familiales, c'est quelque chose en réalité d'assez classique, car vous avez de nombreuses études, européennes notamment, mais jamais citées par les Américains, sur le mécanisme de l'exode rural ou des migrations. Mais on ne parlait pas de « chain migration », de migration en chaîne, encore moins de capital social, on parlait parfois de capital de relations. On appelait ça des filières. Je songe par exemple à la thèse de Roger Béteille, « Les Aveyronnais, essai géographique sur l'espace humain », publié en 1973, qui décrit de façon extraordinaire, avec statistiques, mais aussi entretien à l'appui, l'émigration des Aveyronnais depuis le 19e siècle. Et ce sera complété en 1978 par un livre destiné à un plus large public qui s'appelle « Rouergue, terre d'exode ». Donc on est encore dans la terminologie classique de l'exode rural. En un siècle, en gros, de 1870 à 1970, l'Aveyron a perdu la moitié de ses habitants. Passé en gros de 900 000 à 450 000 personnes, c'est à l'ordre de grandeur. Alors Béteille décrit le rôle des filières dans l'entretien de ce qu'il appelle la diaspora rouergate. Il s'agit plus seulement d'activer des liens primaires de type familial ou de voisinage, dont il montre l'importance, mais aussi et surtout de capitaliser des relations qui finissent par consolider de véritables chasses gardées. Et ça, effectivement, ça commence à nous rapprocher du capital social tel que le concevait Bourdieu. Les amicales de migrants originaires des mêmes cantons ou des mêmes régions, enfin, des mêmes vallées, etc., sont des formes de sociabilité développé par les Aveyronnais, évidemment avec toute l'ambivalence que je viens de vous signaler. D'un côté, les amicales maintiennent les liens avec les communautés rurales d'origine, et de l'autre, elles facilitent l'intégration dans les milieux urbains de destination, à commencer par la région parisienne. Donc, elles atténuent les effets psychologiques de la rupture, tout en contribuant à étendre, à perpétuer, à élargir la chaîne migratoire. Ce processus pouvait prendre la forme d'une filière locale doublée d'une filière professionnelle. Les plus connus des Aveyronnais à Paris, c'était les garçons de café, les limonadiers, les bistrotiers charbonniers, charbounia en occitan, d'où l'on a tiré après troncature bougna, bougna c'est la troncature de charbounia, sans oublier cette autre filière d'exportation qui était les curés et les prélats aveyronnais, formés au grand séminaire de Rodez. Ils ont été très nombreux. Alors, tout ça a engendré un phénomène proche de ce que les Américains, notamment Alejandro Portes, vont appeler les enclaves ethniques ou les niches ethniques, qui sont des espèces de chasses gardées, effectivement, à la fois migratoires et professionnelles, qui durent un certain temps, mais qui ne se perpétuent pas non plus de façon éternelle. Je reviendrai sur le problème de la façon dont tout ça se termine, ce processus un peu cumulatif. Aujourd'hui, l'expression d'exode rural est discréditée chez les chercheurs qui lui reprochent volontiers ses connotations mécaniques, bibliques et misérabilistes. Bon, le mot avait fini par devenir assez neutre, assez démotivé. Alors, Roger Béteille avait beau appliquer le terme exode rural à la migration des Aveyronnais, il mettait en garde contre la vision dramatique, négative de l'exode rural, et il préférait insister sur le succès des migrants. Il constatait d'un côté le dépérissement démographique de l'Aveyron, mais au lieu de gémir sur la désertification des campagnes, ce qui est un exercice qui a été beaucoup pratiqué, il faisait l'hypothèse que les ruraux enrichis seraient capables, à l'avenir, de compenser ces pertes, à condition, je cite, de trouver leur juste place dans un cadre de vie repensé en fonction des faibles densités. Je cite ce passage que je trouve assez prophétique pour montrer que toutes ces monographies de géographie humaine, qui ont été nombreuses de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 70, méritent le respect et contiennent, entre autres, des trésors. Hein, il y a des études très fouillées sur le frayage des filières migratoires. Alors, bien sûr, elles échappent aux bibliographies internationales de langue anglaise parce qu'elles sont en français, qu'elles sont trop monographiques, trop locales, qu'elles ne peuvent pas intéresser tout le monde. Elles ont été rayées de la carte, en quelque sorte. Et ce qui en survit, ce sont parfois des synthèses assez rapides. Par exemple, vous avez celle de Fernand Braudel, dans L'identité de la France, son grand livre inachevé, paru en 1980, où il avait brassé des quantités de monographies de géographie humaine, et dans son sous-chapitre sur l'essor des villes, il évoque ces chaînes migratoires et professionnelles venues d'arrière-pays plus ou moins lointains, y compris de l'étranger, et qui créent de tout temps des quartiers, des voies urbaines spécialisées, et ce jusqu'à nos jours. Maintenant, si vous voulez trouver des précédents davantage centrés sur les filières migratoires d'origine étrangère, vous pouvez vous reporter aux recherches coordonnées dans les années 50 par Robert Montagne, que j'ai cité dans ma leçon inaugurale, qui fut professeur d'histoire coloniale, histoire de l'expansion de l'Occident, ça faisait partie de toute cette tradition de recherche coloniale, jusqu'à sa mort prématurée en 1954. Il est décédé juste quelques jours avant le déclenchement de la guerre d'Algérie. J'ai cité donc sa contribution au mélange en l'honneur de Lucien Febvre, l'historien qui avait toujours beaucoup soutenu Robert Montagne, et ce chapitre dans les mélanges en l'honneur de Febvre décrit très précisément les filières migratoires des Kabyles en France, qui étaient très centrées sur des groupes familiaux et locaux, et que Montagne interprétait dans le langage ethnographique de l'époque, qui était celui des clans et des tribus. Alors, il y a un développement assez particulier à tout ça, c'est que des historiens américains ont démontré depuis que, après la mort de Montagne, certains des élèves de Montagne, parce qu'il a en été formé des dizaines d'élèves, avaient utilisé ces enquêtes extraordinairement précises qui permettaient de localiser à Paris, par exemple, ou dans le Nord, ou à Lyon, etc., qui permettaient de localiser l'origine villageoise précise ou l'origine clanique précise de chaque groupe de migrants kabyles. Et Papon, le préfet de Paris, avait ordonné l'appariement des fichiers entre ces fichiers d'ethnologues qui avaient été dressés en Algérie pour identifier les villages d'origine et les petites colonies kabyles qui étaient installées à Paris. Et ça exerçait évidemment une pression pour essayer de comprendre quelle était l'origine de tel ou tel groupe, notamment affilié au FLN. Enfin, il y a toute une histoire là-dessus. Donc c'est un des chapitres, on en parle très peu, mais c'est un chapitre très intéressant sur l'éthique de la recherche. À identifier des filières migratoires précises dans des situations de guerre, qu'est-ce qu'on fait, hein ? Mais je referme la parenthèse pour dire à quel point la notion de filière, notion de chaîne migratoire qu'on pouvait suivre en quelque sorte à des fins ethnographiques ou à des fins policières, bon là, ce n'est pas la question, c'est quelque chose qui existait évidemment bien avant que Douglas Massey ne répande le concept de chain migration, de migration en chaîne ou répétitive, à partir de la fin des années 70. Le Collège de France et France Culture vous présente le démographe sociologue François Héran. Pourquoi migrer ? We'll be right back. Alors, les relations familiales, donc, vous disais-je tout à l'heure, peuvent elles-mêmes vous enfermer dans des liens exclusifs ou vous ouvrir à d'autres relations. Et sur ce point précis, il vaut la peine, je crois, de se référer à un livre pionnier de Paul-André Rosenthal, actuellement professeur d'histoire à Sciences Po, mais après avoir été directeur d'études à l'EHESS. Et ce livre, qui est un maître-livre, s'appelle « Les sentiers invisibles, espace, famille et migration dans la France du XIXe siècle ». Il a été publié aux éditions de l'EHESS il y a 20 ans, en 1999. C'est vraiment un livre qui a fait date. C'est le premier grand livre de Rosenthal, qui en a écrit au moins deux autres tout aussi passionnant depuis, je vous invite à suivre cet auteur. Alors, je ne vais pas vous résumer l'argument du livre, cela me conduirait trop loin, mais je peux vous dire simplement qu'il a profondément renouvelé l'analyse classique de l'exode rural ou des migrations internes, et que ce livre pose à ce sujet les mêmes questions fondamentales que celles soulevées par les migrations internationales. Rosenthal rejette, avec raison, me semble-t-il, que l'idée que les individus puissent être une limaille de fer déplacée mécaniquement par un système de push et de pull factors, de forces répulsives et attractives, à la Everett Lee. Vous vous souvenez de ce schéma avec les deux cercles, lieu de départ, lieu d'arrivée, les facteurs plus, les facteurs moins, les facteurs neutres, et puis entre les deux, les intervening obstacles, les obstacles qui interfèrent. Rosenthal rejette cette idée. Alors, dans son rejet, ben, comme tous les jeunes auteurs, il est parfois un peu radical, il y a une façon de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais enfin, globalement, il a raison de souligner que les individus ne se contentent pas de répondre à des stimuli extérieurs, ils ne se contentent pas de réagir mécaniquement au surgissement d'une crise économique locale ou à la création de nouveaux bassins d'emploi du fait de l'industrialisation. Évidemment, ces mutations, au départ comme à l'arrivée, sont une condition nécessaire du développement des migrations, mais pas une condition suffisante. Et Rosenthal met en avant la notion de projet migratoire, et surtout de projet migratoire développé par les familles, sans se référer finalement à la notion de capital social dont il n'a pas besoin. Et ça, c'est assez intéressant de dire, montrer qu'il peut analyser tout cela sans se référer à la notion de capital social. Même si, plus récemment, de jeunes chercheurs ont essayé de rapprocher les deux ensembles de théories. Rosenthal ne nie pas que les projets migratoires soient liés à l'évolution du contexte démographique, économique et social, aux nouvelles possibilités d'emploi offertes à travers les territoires proches ou lointains, mais il met l'accent sur les capacités des familles à apprécier les trajectoires possibles, à apprécier toutes ces opportunités. L'instance familiale, au fond, pour Rosenthal, c'est un niveau intermédiaire décisif, car c'est par elle, c'est à travers elle, que les individus perçoivent les ressources offertes par les transformations générales de la société, comme le développement de l'industrie et des transports. En d'autres termes, la famille intervient dans le déclenchement de la migration en articulant le niveau micro et le niveau macro, et donc, elle agit, comme disent maintenant les chercheurs, au niveau méso, au niveau intermédiaire. Mais, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans la théorie de Rosenthal, la famille n'est pas un bloc homogène. Ce n'est pas une simple somme d'individus, c'est une configuration composite avec ses éléments dynamiques et ses éléments sédentaires, avec des niveaux de connaissance et d'ouverture qui sont variables d'un membre à l'autre. Et la thèse de Rosenthal, c'est que les individus qui ont la plus forte propension à migrer, notamment sur une longue distance, appartiennent aux familles les plus ouvertes. Alors comment Rosenthal parvient-il à le montrer? Eh bien, il part pour ce faire d'une source dont il reconnaît lui-même qu'elle est pauvre. Une petite centaine de lignées familiales, de lignées patrilinéaires, père en fils si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il puise cet échantillon dans la fameuse enquête généalogique des 3000 familles qui avait été lancée dans les années 80 par Jacques Dupaquier, qu'on appelle aussi l'enquête TRA, T-R-A, parce que le tirage de l'échantillon avait consisté à retenir uniquement les patronymes commençant par les lettres TRA, comme Travers, Tranois, etc. Rosenthal suit donc ces lignées patrilinéaires sur tout l'ensemble du XIXe siècle. Ça, c'est la force, évidemment, de l'entreprise, d'autant que ces fichiers qui avaient été constitués par les généalogistes amateurs mobilisés par Dupaquier à partir des tables décennales de l'état civil rendues obligatoires par Napoléon, hein, c'est comme ça qu'on fait des recherches généalogiques en France, on va, la première chose à faire, c'est d'aller regarder les tables décennales qui sont dans toutes les mairies ou dans les archives départementales, et puis là on retrouve assez facilement la liste des actes de la famille, donc vous pouvez remonter assez facilement jusqu'à la Révolution grâce à ces tables. Mais d'autres fichiers, d'autres sources, notamment les hypothèques, les fortunes, ont été appariées à ce fichier, et donc on a un fichier à la fois généalogique, économique, extrêmement intéressant, et un certain nombre de spécialistes de l'histoire de l'économie ont puisé dans cette enquête-tra, ont développé des recherches intéressantes. Donc Rosenthal en fait partie, il suit ses lignées patrilinéaires sur tout le XIXe siècle, et il s'efforce d'élaborer des indicateurs originaux permettant de comprendre pourquoi certaines familles se lancent dans la migration et d'autres pas. Et il dégage, et c'est ce point précis que je voulais souligner, il dégage une polarité entre deux styles de sociabilité familiale, deux types de configuration familiale, les familles plutôt auto-centrées, c'est son expression, et les familles exocentrées. Et avec beaucoup d'astuces et de brio, Rosenthal réutilise en ce sens des indicateurs très classiques de la démographie historique, l'identité des témoins lors des mariages et les alliances, selon qu'elles sont plus ou moins endogames, intérieures à la famille ou extérieures. Les alliances au sein de la parenté, qui ne sont pas nécessairement consanguines, hein, contrairement à ce qu'on croit, les alliances peuvent consister à renouer périodiquement un lien avec des alliés, toujours les mêmes familles alliées, sans que ce soit des mariages consanguins. Ça, c'est des choses qu'ont étudiées les chercheurs sur la parenté. Alors, est-ce que les témoins au mariage sont choisis systématiquement au sein de la parenté, ou est-ce que extérieurs à la parenté, ils sont systématiquement partagés par la même parenté, ou sont-ils purement extérieurs? Voilà, par exemple, une façon de caractériser les témoins au mariage, parce qu'au fond, c'est un indicateur du réseau familial et de l'ouverture de la famille. Dans le second cas, eh bien, la famille, c'est pas si on a appel à des témoins extérieurs, est liée à des groupes de référence, une notion importante chez Rosenthal, à des groupes de référence plus divers, plus éloignés, plus diversifiés, et la famille sera plutôt exocentrée. Et dans le premier cas, la famille se limite à des relations interpersonnelles plus étroites, et donc vous retrouvez au fond, c'est un peu toujours la même question, vous retrouvez à travers ces indicateurs l'équivalent de la distinction entre lien faible, centrifuge en quelque sorte, et lien fort auto-centré. Et Rosenthal démontre statistiquement qu'une configuration familiale à sociabilité fermée a tendance à beaucoup moins migrer qu'une configuration familiale à sociabilité ouverte. Et plus précisément, qu'une ouverture de la lignée familiale dans une génération donnée a un pouvoir prédictif de l'ouverture à la migration dans les générations suivantes. Parce que ça, c'est la dimension temporelle, évidemment, tout à fait intéressante et démonstratrice du schéma de Rosenthal. Et il montre aussi, à travers une analyse détaillée des professions fermées, que les familles auto-centrées s'appliquent davantage à reproduire les occupations professionnelles d'une génération à l'autre, alors que les familles exocentrées sont susceptibles de s'engager dans un processus de mobilité sociale et donc changent de profession plus aisément, ce qui évidemment est un aspect important de l'émigration. Alors, si on veut rapatrier donc de façon pertinente et légitime le concept de capital social dans l'analyse des migrations, on peut le faire, me semble-t-il, sur cette base, en montrant notamment, mais pas seulement, que la structure interne de la famille, son mode de fonctionnement, implique déjà une dose variable d'aptitude à pratiquer l'art des relations et en tirer parti. Avec cette particularité que la capacité à sortir de son milieu social varie encore en fonction du milieu. C'est un peu ça ce qui est démontré par Rosenthal. Ce travail tout à fait pionnier, qui a fait l'objet d'éloges et de comptes rendus extrêmement positifs, hein, Ce travail a beaucoup marqué les esprits. Rosenthal est suffisamment intelligent pour en montrer lui-même les limites. Il reconnaît que son travail est très dépendant de la source utilisée, qui est familiale par définition. Donc il ne prétend pas énoncer une théorie générale de la migration à partir de son étude. Il éclaire simplement la façon dont la partie familiale, en quelque sorte, du ressort des migrations peut fonctionner. Il reconnaît qu'il est très dépendant de la source utilisée, qui est familiale par définition, puisque ce sont des dynasties patrilinéaires qu'il a pu récupérer sur la longue durée. Il y a cette dimension verticale, longitudinale, qui est évidemment très intéressante, mais il y a aussi cette dimension horizontale via le jeu des alliances, parce qu'une des grandes extensions du fichier de l'enquête TRA, du fichier des 3000 familles, c'est qu'elles ont été interconnectées et on a rajouté les mariages à l'état civil vertical. Ce choix de méthode, donc, ne doit pas faire oublier, et c'est ce que certains commentateurs du livre ont fait observer, ne doit pas faire oublier que d'autres réseaux, pas toujours faciles à dissocier de la sphère familiale d'ailleurs, mais d'autres réseaux peuvent également jouer, réseaux d'amis, réseaux de voisinage, réseaux de classe d'âge. Il ne faut pas oublier que dans la France ancienne, encore à des périodes toutes récentes, il y a une structuration très forte des générations en fonction des classes d'âge. Ça, c'est l'influence du service militaire, dont je rappelle à quel point il a été puissamment structurant dans les campagnes françaises. Le service militaire a duré 5 ans pendant pratiquement tout le 19e siècle. Il a même duré 7 ans pendant la guerre de Crimée. Alors, évidemment, ça bouleversait les vies entières des gens. Et donc, ça crée des solidarités de classes d'âge considérables. Mais il existe également des classes chez les femmes. Aujourd'hui encore, vous avez dans un certain nombre de provinces françaises des voyages qui sont organisés entre gens de la même classe, hommes et femmes, simplement parce qu'on appartient, on a la même année de naissance. Ça crée ce genre de solidarité. Et ces solidarités peuvent être utilisables ou pas, intéressées ou pas, ça dépend évidemment des situations. Mais je citais les réseaux d'amis, de voisinage, de classe d'âge, il y a aussi bien sûr les solidarités professionnelles, les clientèles diverses. Donc des liens faibles d'une part, mais aussi des liens plus institutionnels ou des liens qui finissent par devenir forts à force d'être capitalisés, d'être institués. Car évidemment, il y a toute une série de transitions flottantes entre le fort et le faible, le formel et l'informel, l'extensif et l'intensif, etc. Et c'est au fond ce qui intrigue dans la recherche de Paul-André Rosenthal, c'est d'où vient que certaines familles sont plus ou moins autocentrées ou isocentrées, repliées ou extraverties, exclusives ou inclusives. Donc l'enquête, d'une certaine manière, devrait remonter d'un cran pour élucider cette énigme. Mais là, on se heurte à évidemment un mystère qui est plus général, hein, qui se pose déjà, on l'a vu, pour l'orientation donnée au capital social lui-même, qui peut être une orientation inclusive ou exclusive, bonding ou bridging, pour parler comme Putnam. Donc, vous le voyez, j'ai commencé par juger que la référence au capital social bourdieusien était manifestement surfaite et survenue dans les analyses de Douglas Massey, étant donné l'interprétation très réductrice qu'il en donnait dans ses enquêtes, puisqu'il réduisait le capital social au fait d'avoir déjà un parent immigré. Mais à présent, je réintroduis la notion de capital social, mais doté d'un contenu social, traduisant une capacité à agir sur un mode relationnel au-delà des relations primaires simplement héritées de la famille nucléaire. Donc le capital social d'un migrant ne peut pas se réduire au fait d'avoir déjà un alter ego dans le lieu de destination. C'est un travail, c'est un investissement, c'est une capacité à se lier qu'il vaut mieux développer dès le plus jeune âge. Ça s'entretient en fonction des atouts sociaux de la famille, mais aussi d'un milieu plus large qui englobe l'école ou la communauté. On sait, par exemple, ça a été tout à fait démontré, qu'entamer sa scolarité dès l'école maternelle, eh bien, c'est un facteur de socialisation, notamment pour les enfants de milieux populaires qui vivent dans des milieux étroits. Et c'est un facteur de socialisation et, si je puis dire, de sociabilisation, c'est-à-dire de capacité à développer son potentiel de sociabilité. Évidemment, en disant cela, il faut se garder de tout déterminisme, c'est simplement une contribution. Alors on trouvera des prolongements tout à fait intéressants à ce genre de réflexion dans un dossier récent de la revue Actes de la recherche en sciences sociales, c'est la revue qu'avait fondée Bourdieu, et ce numéro est consacré à la question capital social en migration. Le numéro s'ouvre sur une introduction donc, de trois jeunes chercheurs, Hugo Bréant, Sébastien Chauvin et Anna Portilla, « Les migrations internationales à l'épreuve du capital social ». Je n'ai presque envie de dire que c'est un peu l'inverse, c'est le capital social à l'épreuve des migrations internationales. Il y a aussi ça, en fait, dans leur texte. Et ce sont trois jeunes chercheurs. Il se trouve qu'ils sont affiliés à l'Institut des migrations que je dirige actuellement pour le compte du CNRS. Il y a un petit conflit d'intérêts, mais enfin, je pense que c'est important de souligner que de jeunes chercheurs font des choses intéressantes qui m'ont vraiment épaté. Enfin, je ne suis pas aussi bourdieusien que les auteurs des articles. Un jour, je vous exposerai ma relation avec Bourdieu, mais enfin, ce n'est pas prioritaire. Mais je signale cet article. Et alors, entre autres observations très intéressantes dans ce recueil d'articles, je retiens l'idée forte énoncée par Jennifer Bidet, B-I-D-E-T, dans son article intitulé « Déplacement, au pluriel, migration et mobilité sociale en contexte transnational ». C'est une question sur laquelle pas mal de chercheurs travaillent en ce moment, y compris au sein de l'Institut des migrations, c'est la relation entre migration et mobilité sociale, qui fera l'objet d'un colloque au mois de juin, à savoir que finalement la migration, les déplacements dans l'espace physique, c'est aussi un déplacement dans l'espace social. La migration, c'est une forme de mobilité sociale. L'idée peut paraître banale, mais elle ne l'est pas tant que ça, car il est très difficile de caractériser les positions sociales occupées dans les pays d'origine, qui sont mal connues. Notre nomenclature des catégories socioprofessionnelles est assez mal adaptée à ce qui peut se passer dans les sociétés traditionnelles, à dominante rurale ou avec un système de services, d'emplois informels, etc., très difficile à capter par nos propres catégories. Et donc, l'idée d'une mobilité sociale, on peut étudier une mobilité sociale au pays d'origine, la migration servant à effectuer une mobilité sociale au pays d'origine, c'est souvent le rêve des migrants. On peut parler d'une mobilité sociale à l'intérieur du pays de destination. Vous arrivez dans des conditions très difficiles, mais vous mettez 7 ans, 10 ans à ne plus être chauffeur de taxi, mais à obtenir l'homologation de votre diplôme de médecine, pour prendre un exemple tout à fait concret qui a été étudié au Canada notamment. Mais il y a aussi la question de la mobilité sociale du pays d'origine au pays de destination. Tout ça est assez compliqué. Et ce qui peut être une mobilité sociale du point de vue du pays d'origine peut ne pas être l'être du point de vue du pays de destination, et réciproquement. Je pense à une séquence l'an dernier tout à fait extraordinaire où Nicolas Maduro, le président vénézuélien, s'était adressé dans un discours à tous ses compatriotes qui étaient en train d'émigrer, surtout en Colombie, secondairement aux États-Unis. Il leur a dit, mais enfin, vous voulez quand même pas passer votre vie à nettoyer les cuvettes de WC de Miami, las pocetas, lavar pocetas. Alors ces propos ont déclenché une vague de ripostes extraordinaire sous forme de lettres, de vidéos, et il y avait des petites vidéos très très bien faites qui ont été virales, du genre la personne avec son selfie qui brandit les instruments de nettoyage, qui dit ben tu vois Nicolas, je suis vénézuélien. Je suis licencié en droit et je suis lavapocetas à Miami. Je suis nettoyeur de toilettes à Miami. Sinon, tu vois, j'ai une maison, j'ai une famille, mes enfants vont à l'école, mes enfants font des études, je peux les soigner, mon frigo est plein. Et je gagne 10 000 fois le salaire moyen du Venezuela actuellement. Alors, le nettoyage des toilettes, c'est ce qui m'a rendu la dignité dont toi, tu nous as privés. C'est des cas tout à fait extrêmes, mais qui montrent à quel point la déchéance peut être aussi un reclassement, une occasion de conserver sa dignité. Et ça, c'est un très grand problème dont on parlera lorsque j'aborderai la question de l'intégration, notamment l'immigration des femmes. Vous avez un nombre considérable de femmes qui font chez nous du travail domestique, du service aux personnes, du nettoyage, de l'entretien, etc. Alors qu'évidemment, dans une situation normale, elles auraient pu faire bien autre chose. Et nous exploitons ça. Nous avons, grâce notamment au CESU, la possibilité de défalquer donc, les impôts liés à tout ça, nous entretenons cette situation. Mais ça, c'est un sujet dont je reparlerai l'année prochaine. Une partie de l'hostilité de nos sociétés vis-à-vis des immigrés tient au fait que nous ne supportons pas qu'on vienne en quelque sorte faire sa mobilité sociale chez nous. La réussite des autres nous indispose, et nous indispose d'autant plus que nos propres projets de mobilité sociale pour nous-mêmes, nos enfants, peuvent être contrariés. Donc voilà, ce sont des questions que j'aborderai en mettant que la question de l'intégration et des réactions que suscitent, pas seulement les ratés de l'intégration, dont on parle beaucoup, la fameuse intégration en panne, mais aussi les trop grandes réussites de l'intégration qui suscitent, génèrent des hostilités parfois même bien plus fortes et ayant beaucoup plus de conséquences. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours de François Héran, Pourquoi migrer ? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à la Découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons en compagnie de François Héran sa lecture critique des théories d'immigration. Nous aborderons la dernière théorie, celle de la causalité cumulative. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture. Thank you.